Section 62 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 62. Les amours de Gilles, livre 2e. Pulcinelle par Louis Morin. Chapitre 5. Suite du voyage, aventure désagréable. Quelques jours après, la troupe partit pour Luc. 15 jours d'ascension pénible et de descente dangereuse. Pietro n'avait point parlé à Séraphine de l'insulte qui lui avait été faite. Elle paraissait très fidèle en ce moment, la volage, et ce furent presque 15 jours de joie pour le pauvre garçon. Dans la solitude des montagnes que l'on traversait, il la sentait bien à lui. Ah, s'il avait pu lui faire quitter la vie de théâtre, l'arracher aux séductions constantes qui l'entouraient. Déjà, pour quelques jours de solitude, elle n'était plus la même. Dans ce pays montagneux, les haltes étaient fréquentes. On campait dans de médiocres auberges où les patrons, affolés par l'arrivée inattendue de 14 personnes, ne savaient plus que devenir, et déclarait ne pouvoir fournir à tant de voyageurs un repas confortable. Alors, tout le monde se mêlait de la cuisine et du coucher. C'était de véritables parties de plaisir. Pulcinelle et le docteur descendaient à la cave. Scapin et le capitaine faisaient main basse sur la volaille qu'il y avait aux environs. Pantalon et Tartaglia visitaient le charnier. Arlequin et Lélio mettait le potager au pillage. Léonard et la vieille Pulcie s'occupaient du coucher avec Séraphine et Paquette, et le maître coq attendait gravement le butin que les fourrageurs allaient apporter pour fricasser tout cela à la vénitienne, en expulsant l'hôte de sa propre cuisine. Quelquefois la rage du théâtre reprenait les acteurs. On bâtissait à l'improviste quelques drames sur la situation. C'était la prise d'un château par une troupe de brigands, le pillage d'une galère turque envahie. Il fallait voir la tête de l'hôte, déjà stupéfait par le sans-gêne de ses clients et maintenant terrifié par leurs discours incompréhensibles. Pulcinelle, le plus farceur de la bande, interpellait l'homme, le traitait de monseigneur ou de chien de turc, selon l'occurrence, et le faisait entrer de vive force dans la comédie. Mais Paquette venait tout gâter avec son petit cœur. Elle souffrait de voir le pauvre diable en proie à une terreur d'autant plus vive qu'il ne savait à quelle espèce de gens il avait affaire. Et elle trouvait toujours moyen de le prendre à part dans un coin, sans que personne ne la vît, pour lui expliquer la chose en 2 mots et le rassurer. Pulcinelle maugréait, disant qu'il n'y avait pas moyen de s'amuser avec cette petite. Il n'était content que quand il pouvait pousser la plaisanterie jusqu'au moment du départ. Il changeait de ton subitement en demandant à l'hôte qu'il avait tout à l'heure si fort malmené, combien on lui devait pour la dépense au plus juste prix, et il jouissait du dernier ahurissement du bonhomme qui passait ainsi de la plus extrême terreur à une joie d'autant plus vive. « Je mets ainsi en pratique, disait Pulcinelle, mon merveilleux système philosophique des compensations, qui dame le pion à tous ceux du docteur. Voilà un homme, cet aubergiste, dont l'ennui momentané a été compensé par une très grande satisfaction. Lui ai-je causé quelques dommages? Non, point. Si j'ai fait pencher le plateau de la balance qui représente la peine, celui qui symbolise le plaisir, s'est élevé d'autant plus, n'est-ce pas, docteur ? Le docteur répondait comme il pouvait, invoquant Aristote et Platon, et la discussion continuait quelque temps, pour le plus grand amusement des auditeurs. Cela passait le temps des interminables ascensions, en ce pays où les crêtes se succèdent comme les marches d'un gigantesque escalier. Une fois cependant, tout n'alla pas comme Pulcinelle le désirait, et le plaisir qu'il prenait avec ses camarades à turlupiner les hôteliers faillit avoir une trop forte compensation. C'était au sommet des Apennins, aux environs de Castelnuovo. Il y avait là un relais de poste. Les postillons qui avaient amené les voitures des comédiens s'en allèrent. On devait continuer la route avec des mules toutes fraîches, prises au relais. Les voitures restèrent devant la porte de l'auberge et les voyageurs descendirent, projetant d'y passer la nuit. L'endroit était désert et très sauvage. Il n'y avait qu'un petit village à quelque distance, caché dans un repli de la montagne. L'hôte était sorti sur le seuil avec sa femme, sa fille et son garçon, écarquillant les yeux de voir autant de pratiques. Pulcinelle, en veine de rire, trouva que le décor était tout préparé pour représenter le sac d'une place forte conquise par des gens de guerre, et tout de suite, sans en avertir les camarades, se fiant à leur habitude de développer une situation, il s'adressa en ces termes au patron de l'hôtellerie. « Que voulez-vous, monsieur le duc? Ce sont les malheurs de la guerre. En considération de ce que votre défense a été admirable, monsieur le capitaine que voici. » Il présentait le capitaine. « Veut bien vous donner la vie sauve, à vous et à ces vaillants hommes d'armes. » Il désignait le garçon. « Quant aux princesses, nous savons trop que les lois de la galanterie ont le pas sur les lois martiales pour nous permettre de violer celles de l'honneur. Veuillez seulement faire préparer des gîtes et des repas pour nos troupes, que l'escalade de votre forteresse a grandement fatigué. « Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? » dit tout bas à sa femme l'hôte apeurée. « Ce sont des brigands. Mais au nom de Dieu, tais-toi. Je vais envoyer chercher de l'aide au village, sans avoir l'air de rien. » Cependant, le capitaine s'était avancé. Il débitait une tirade qui lui était familière et qui l'imitait d'une comédie française. « Eh bien, soit, puisque mon lieutenant t'a donné la vie, je te la laisse, mais prends soin de préparer promptement le repas et qu'il soit bon. Sinon, je te donnerai à choisir entre 3 ou 4 genres de morts. Je te briserai comme verre du pommeau de mon épée, ou bien je t'enfoncerai d'un coup de poing jusqu'au centre du globe, ou d'un seul coup de ma lame, je te fendrai en 10 morceaux, ou bien encore, je te jetterai si haut au-dessus des éclairs que tu seras dévoré par les feux élémentaires. Allons, dit Paquette, voilà leur bêtise qui recommence. En effet, les bêtises recommençaient. En un moment, la maison fut mise au pillage. Pulcinelle avait disparu dans la cave, d'où il remonta bientôt. Nanti pour toute sa soirée. Le repas fut servi. On invita l'hôte, comme il convenait. Mais il mangea du bout des dents, ayant toujours l'oreille aux aguets, et prenant plus garde au bruit du dehors qu'aux balivernes que débitaient les acteurs. Pulcinelle avait pris entre lui et le docteur la jeune princesse, ainsi appelait-il la fille de l'hôte, et légèrement grisée par le vin, il chiffonnait un peu trop vivement le fichu de la pauvre demoiselle, sans qu'elle osât rien dire. Cependant, le docteur lui expliquait qu'il était le médecin du capitaine et qu'il l'avait déjà guéri de plus de 100 maladies effroyables et blessures mortelles. Mais voilà qu'au milieu du repas, des gens entourent l'auberge, tirant en l'air les coups de mousquet pour faire voir qu'ils sont formidablement armés et qu'il n'y a pas de résistance à faire. L'hôte se lève et, se sentant soutenu, commence à injurier les comédiens en leur promettant qu'ils vont tous être pendus. La fille se venge des affronts de Pulcinelle en lui appliquant un formidable soufflet. L'affaire tournait mal et devenait plus dramatique qu'on ne l'aurait voulu. Enfin, Cornelio sort et harangue les agresseurs, pendant que Pietro tâche de faire entendre raison à l'hôtelier. Ce ne fut point une affaire facile à régler. Il fallut prouver aux bonnes gens que l'on était bien des comédiens et non pas des brigands, leur expliquer qu'on avait voulu s'amuser innocemment et faire toutes sortes d'excuses. Ils ne comprirent vraiment et ne renoncèrent à parler des fourches patibulaires que quand on leur offrit une façon de rançon. Il fallut en outre indemniser l'hôte en lui payant 4 fois la valeur de ce que l'on avait pris chez lui. Et enfin, on eut les postillons pour gagner la poste prochaine qu'en leur payant double guide. Cette aventure coûta très cher et dégoûta les mystificateurs des farces qu'ils avaient pris l'habitude de faire à leur hôte. Le voyage s'acheva moins gaiement qu'il n'avait commencé, et l'on arriva à Luc en constatant qu'une forte brèche avait été faite à la caisse. Fin de la section 62, lue par Margot.